Chapitre 10. La rumeur. Ophélie bondissait de nuage en nuage au-dessus d'une version intacte de l'ancien monde. Elle n'avait aucun regard pour les villes, les forêts, les océans d'autrefois qui défilaient sous ses pieds. Elle ne cherchait qu'à atteindre le tramoiseau qui volait à travers le ciel. Elle pouvait apercevoir l'écharpe coincée dans sa portière et une silhouette familière derrière l'une des vitres. La silhouette de Thorn. Ophélie était sur le point de rattraper le tramoiseau quand soudain, les nuages se mirent à gémir sous ses pieds. Elle entr'ouvrit un œil à travers les lunettes tordues qu'elle avait oublié de retirer pour dormir. Ce n'étaient pas les nuages qui gémissaient, mais les ressorts de son sommier. Il lui fallut beaucoup de battements de paupières pour se rappeler où elle se trouvait et pourquoi. Il faisait une chaleur accablante. La fenêtre, toute claire de matin, déversait une lumière limpide sur le dortoir. C'était une pièce austère avec des poutres apparentes, une puissante odeur de pierre chaude, des meubles de fer forgé et un seul paravent comme garant d'intimité. Paravent dont Ophélie n'allait pas avoir besoin. Il n'y avait plus personne à part elle. Les autres lits auxquels elle s'était heurtée pendant la nuit avaient été remplacés par des pupitres d'études. Si une cloche avait sonné, elle ne l'avait pas entendue. En vérité, la seule cloche qu'elle entendait en ce moment même était celle qui carillonnait à l'intérieur de sa boîte crânienne. Il lui faudrait une casserole entière de café pour la faire taire. Ophélie s'arracha des ressorts du sommier en entendant protester chacune de ses vertèbres. Elle se sentait comme un automate qui aurait été démonté boulon après boulon, puis remonté au petit bonheur la chance. Ce fut sans réelle surprise qu'elle constata la disparition de son uniforme sur la chaise. C'était probablement l'œuvre des mêmes plaisantins qui avaient jugé spirituel d'escamoter son matelas. « J'ai été le valet de Bérénilde, le jouet de Farouk et la proie du baron Melchior », songea Ophélie avec un bâillement. « Ce n'est pas une plaisanterie de mauvais goût qui va m'intimider. » Elle garda sur elle sa tenue de stadium encore toute crottée de boue séchée, puis tira sur un cordon qui pendait au mur. Dans un ronronnement de rouage, son lit mécanique se souleva jusqu'à s'encastrer parfaitement dans l'alcôve murale, tandis qu'un pupitre se dépliait à la place par un ingénieux procédé télescopique. C'était exactement comme ces livres où les images en volume se développent et se referment à mesure qu'on tourne les pages. Ophélie en aurait été émerveillée si ce lit ne lui avait pas fait endurer un calvaire. Le reste du foyer se révéla aussi désert que le dortoir des avant-coureurs. Ophélie ne croisa personne au réfectoire où elle se contenta d'un fond de céréales, ni au vestiaire où elle se chercha un nouvel uniforme, ni aux douches collectives où elle se savonna à la diable. Elle consulta le tableau d'affichage, mais le bras mécanique n'avait tracé aucune instruction à la craie. Elle était à peu près certaine qu'elle était supposée se trouver ailleurs, sauf qu'elle ignorait où. Pour une spécialiste de l'information, voilà qui commençait bien. Alors qu'elle vagabondait le long des promenoirs à la recherche de quelqu'un pour la renseigner, Ophélie ne put réprimer une pensée pour Ambroise. Elle l'imaginait seule au milieu des automates de son père attendant de ses nouvelles. Il devait vraiment penser qu'elle était la reine des ingrates, une profiteuse prête à quitter un bienfaiteur pour un plus offrant. Ophélie aurait bien improvisé un passage de miroir pour lui rendre une visite éclair, encore que la distance était probablement trop grande, mais elle n'en avait pas encore trouvé un seul à la bonne famille. Hélène semblait très attentive à ne pas encourager la vanité chez ses élèves. Au fond, ce n'était pas une si mauvaise chose. Si forte que fût la tentation, mieux valait ne pas révéler qu'elle était une passe-miroir. Elle avait déjà pris suffisamment de risques en dévoilant son talent de liseuse. Ophélie finit par trouver d'autres apprentis virtuoses dans l'amphithéâtre où elle avait passé son évaluation la veille. Il y flottait un tel silence qu'elle avait d'abord cru les lieux déserts au moment de pousser la porte. Elle n'avisa aucun professeur sur la chaire, mais tous les étudiants étaient occupés à écrire. Ils portaient un casque sur les oreilles. Personne ne leva le nez de sa sténographie pendant qu'Ophélie se chercha, le moins maladroitement possible, une place en haut des gradins. Une fois assise, elle comprit qu'un poste radiophonique était incorporé à l'intérieur de chaque casier. Elle enfila un casque, n'entendit rien, tourna quelques boutons, n'entendit toujours rien. Lorsqu'elle demanda à ses voisins comment se servir de son poste, ils lui firent signe de se taire. À force de persévérance, Elle finit par repérer le modulateur de fréquence et réussit à capter des émissions, des dizaines d'émissions, chacune sur une fréquence différente. C'était uniquement des conférences universitaires enregistrées en direct dans les académies de la cité. Comment savoir laquelle elle était censée suivre ? Ophélie baissa le ton et n'insista plus. Elle était venue à Babel pour enquêter, pas pour étudier. Elle essuya le filet de sueur qui s'écoulait déjà dans son cou, luttant contre l'envie de se débarrasser de sa redingote trop étriquée. Elle observa tour à tour chacun des apprentis assis devant elle. Thorne n'était pas parmi eux, mais cela n'avait en soi rien de surprenant. S'il avait une longueur d'avance sur elle, comme elle le supposait, elle le trouverait plus probablement parmi les aspirants virtuoses. À en juger par les galons des uniformes, il n'y en avait aucun dans cet amphithéâtre. Ophélie avait d'abord cru le silence complet. Ce n'était pas exact. Par-dessus le bruissement des stylographes sur le papier, par-dessus le frou-frou des voix dans les casques, par-dessus les stridulations des cigales au dehors, elle perçut des chuchotis. Cela se passait un rang en dessous du sien. Des apprentis se penchaient les uns sur les autres, laissant entrevoir par instants des profils nerveux. Ophélie ne leur aurait pas prêté grande attention si le mot « mémorial » ne lui était soudain parvenu. Elle coupa le son de son poste pour de bon et, sans retirer ses écouteurs, se pencha imperceptiblement sur sa table. Ils s'exprimaient tous avec le même accent, très différent de celui de Babel, quoique tout aussi musical. « J'avais un mauvais pressentiment. N'est-ce pas que je vous l'ai dit hier ? Tais-toi ! On avait tous un mauvais pressentiment. Le problème, c'est qu'on aurait dû deviner quoi, où et qui, mais qu'on n'a pas réussi. Ça n'est quand même pas si grave, non? C'est juste une rumeur. Elles exagèrent toujours, les rumeurs. Ah si? Et pourquoi les lectures d'aujourd'hui sont toutes annulées? Moi, je m'en plains pas. Je ne peux plus voir un livre sans avoir la nausée. Tu oublies l'automate. L'apprenti avait prononcé automate, mais Ophélie, qui se penchait de plus en plus sur sa table, comprit aussitôt l'allusion à Sir Henry. Il va nous donner le double d'heure pour rattraper le retard. Vous ne trouvez pas la coïncidence un peu forte? La petite nouvelle qui débarque et cet incident au mémorial? Basta! Elle nous observe. Sur ces mots, tous les chuchoteurs remirent leurs écouteurs et reprirent leur sténographie. Tous, sauf une jolie garçonne qui se retourna sans discrétion ni embarras pour dévisager Ophélie d'un air franchement curieux. Des enluminures brillaient sur sa figure comme les incrustations d'un masque carnavalesque. Une voix cuivrée traversa aussitôt l'amphithéâtre avec la puissance d'un roulement de tonnerre. « Apprenti Mediana, regardez devant vous !» La garçonne se replongea nonchalamment dans ses cours et Ophélie fit semblant de l'imiter, non sans décocher un regard au pavillon de phonographe fixé au plafond. Elle ne l'avait pas remarqué, celui-là, pas plus qu'elle n'avait remarqué le périscope qui tournait son œil de cyclope, tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle avait interprété l'absence de professeur comme un gage de confiance, le signe que le conservatoire traitait ses élèves en jeunes gens responsables. Grossière erreur. Ils étaient tous sous surveillance. Dès que la voix du pavillon annonça la fin des cours radiophoniques, beaucoup plus tard, Ophélie se hâta de rattraper les chuchoteurs dans l'escalier extérieur. À présent qu'elle les voyait debout, elle remarqua les ailes épinglées à leurs bottes. Comme elle s'en doutait en les écoutant, c'étaient tous des avant-coureurs. « Je suis la petite nouvelle », se présenta-t-elle avec une prononciation ironique. « Excusez-moi de m'être invitée dans votre conciliabule, mais il me semble qu'il était question de... « Désolé pour tes lunettes !» la coupa abruptement l'un d'eux. « Pardon ?» La remarque déstabilisa si bien Ophélie qu'elle rata une marche et termina l'escalier de marbre sur le postérieur. Les avant-coureurs l'enjambèrent les uns après les autres sans un regard. Elle ne les voyait elle-même plus qu'à moitié. Elle avait perdu un verre de lunettes dans sa chute. Alors qu'elle tâtait les marches, le corps cuisant d'une douleur humiliante, une main enluminée lui tendit ce qu'elle cherchait. « Mediana, de la deuxième division de la compagnie des avant-coureurs, » se présenta officiellement la garçonne. « Mais cela, tu le savais déjà, n'est-ce pas ? » ?»« Les prédictions de mes cousins provoquent presque autant d'accidents qu'elles en préviennent. Méfie-toi, signorina. Ils en profitent un peu. Son accent lui faisait prononcer chaque mot avec un ronronnement de volupté. Ophélie récupéra son verre d'un geste prudent. Les avant-coureurs sont tous de votre famille ? Une bonne partie. Nous, les devins de la Sérénissime, nous avons l'information dans le sang. Oh, et vous voyez l'avenir aussi, Médiana ? Non, moi c'est plutôt le passé. Un peu comme toi, petite liseuse. Mais notre art est différent. D'accord, nota Ophélie en elle-même. Médiana savait déjà pour son pouvoir familial en avant-coureuse digne de ce nom. De quoi étiez-vous en train de parler avec vos cousins ? Que s'est-il passé au mémorial ? Dans un mouvement plein de familiarité, Médiana posa un doigt sur la bouche d'Ophélie, l'incitant à patienter. Des apprentis continuaient de les contourner comme l'aurait fait le flot indifférent d'une rivière autour d'un rocher. Quand il n'y eut plus personne à part elle dans l'escalier, elle approcha son visage du sien, si près qu'Ophélie en vit chaque enluminure malgré son verre manquant. Médiana était d'une rare beauté où se mêlaient de façon infiniment subtile lignes courbes et formes angulaires, un charme capable de troubler aussi bien les femmes que les hommes. « Je vais essayer de te faire gagner un temps précieux, petite liseuse. Lady Hélène n'aurait jamais dû accepter ta candidature. Mon pouvoir vaut certainement 10 fois le tien. Et je maîtrise les langues anciennes à la perfection. Tu es condamnée à être prisonnière de mon ombre, comme le sont tous les autres avant-coureurs. Ne crois pas que mes cousins m'apprécient plus que toi. L'amitié n'existe pas à la bonne famille, parce que seuls les meilleurs restent. Je ne dis rien, susurra Médiana en imprimant son index sur les lèvres d'Ophélie. Écoute seulement, signorina. La violence, même sous sa forme la plus anodine, est sévèrement punie sur Babel. Tu ne subiras aucune maltraitance physique parmi nous. Mais, crois-moi, ajouta-t-elle dans un souffle chaud sur sa peau, il existe toutes sortes de tourments. Rentre chez toi. Oublie les virtuoses et oublie le mémorial. C'est mon destin, pas le tien. Ophélie fut moins choquée par ces paroles que par le ton sur lequel elles avaient été prononcées. Un ton sincèrement, profondément navré. À travers sa moitié de lunette, elle regarda Médiana descendre l'escalier dans un mélange de puissance et de grâce, les enluminures de sa peau étincelant dans le soleil. J'ai été le valet de Bérénilde, le jouet de Farouk, et la proie du baron Melchior, se répéta-t-elle en s'efforçant de réintroduire son verre dans la monture de ses lunettes. Ce n'est pas une menace en l'air qui va m'intimider. Le bas du dos endolori par sa dégringolade d'escalier, Ophélie suivit les avant-coureurs à distance respectable. Qu'ils veuillent d'elle ou non, ils étaient désormais membres de la même compagnie. Elle leur imposerait sa présence aussi longtemps qu'elle aurait besoin d'être l'une des leurs. Ils franchirent ensemble le pont monumental qui reliait l'arche des virtuoses d'Hélène à l'arche des virtuoses de Pollux. Puis ils se rendirent dans une dépendance du conservatoire. 2 étages plus tard, Ophélie découvrit un laboratoire qui était la quintessence de l'esthétisme avec ses hauts plafonds, ses cuivres et ses velours. La salle baignait dans la lumière arc-en-ciel d'une rosace et la brise bienfaisante des ventilateurs de plafond. Les tables de bois précieux déployaient ce qui se faisait de plus moderne en matière de panoplie expérimentale. Quand Ophélie prit place devant l'établi, indécise, elle réalisa que le nombre des avant-coureurs autour d'elle avait doublé. La division des filleules d'Hélène avait rejoint celle des fils de Pollux dans un remous d'uniformes et une envolée d'accents qui s'interrompirent dès qu'une femme referma la porte du laboratoire. « La connaissance sert la paix », déclara-t-elle. « La connaissance sert la paix », répétèrent tous les apprentis à l'unisson, poing sur la poitrine, en choquant les talons ailés de leurs bottes. La femme acquiesça sans sourire. À en juger par sa peau de bronze, ses cheveux noirs et ses yeux flamboyants, c'était une babélienne pure souche. L'idorure de son uniforme était aussi éblouissante que le regard qu'elle arrêta sur Ophélie. « Apprenti Eulalie, je suis Lady Septima, et je serai votre prosper, c'est-à-dire votre professeur de spécialisation. On m'a communiqué les résultats de votre évaluation d'hier. Ils ne sont pas excellents. Je préfère toutefois juger par moi-même si vous êtes digne ou non de devenir une avant-coureuse. Être digne ne signifie pas réussir. » Cette fois, le regard de Lady Septima enveloppa tout le laboratoire, absorbant dans son feu le visage de chaque apprenti. « Vous êtes nombreux aujourd'hui, mais seuls deux d'entre vous, un fils de Pollux et un fiole d'Hélène, pourront finalement accéder au grade d'aspirant virtuose. » Les yeux de Lady Septima s'étaient attardés par un réflexe peut-être inconscient sur un apprenti qui lui ressemblait trop pour ne pas être de sa famille. Ophélie, pour sa part, comprenait mieux certaines choses. Seuls les meilleurs restent. Ce conservatoire avait fait de la rivalité sa colonne vertébrale. « Mon travail, » reprit Lady Septima en revenant à Ophélie, « consiste à faire de ce minéral brut qui vous sert de pouvoir familial le plus pur des diamants. Et ce n'est pas tout. La corporation des avant-coureurs, dont je suis la plus haute responsable, s'est vue confier l'honneur de refondre le catalogue du Memorial. Ceux qui sont dignes d'intégrer les groupes de lecture, et uniquement eux, ont leur place au conservatoire. Vous avez 3 semaines, apprenti Eulalie, pour me convaincre que je ne perds pas mon temps avec vous. Avez-vous des questions ?» Ophélie serra les dents avec force pour contenir toutes celles qui lui vinrent. Comment obtenir le droit de pénétrer dans le secrétarium? Possède-t-il réellement une chambre forte? Recèle-t-il des vestiges de l'ancienne école? Quelle est donc cette ultime vérité que votre glorieux mémorial refuse de divulguer au public? Il aurait été imprudent, pour ne pas dire dangereux, d'exposer ainsi l'objet véritable de sa venue. Pourquoi les groupes de lecture ont-ils été annulés aujourd'hui? Demanda-t-elle seulement. Cette curiosité-là était légitime. Du moins, Ophélie l'avait-elle cru avant de réaliser que tout le monde s'était figé autour d'elle, comme si les ventilateurs de plafond avaient soudain déversé une bise glaciale sur le laboratoire. Seule Médiana mordillait sa lèvre pour ne pas éclater de rire. Lady Septima demeura imperturbable pour sa part. Elle se contenta d'atténuer d'un simple mouvement de paupières la flamboyance de son regard. Elle ne le destina pas à Ophélie en particulier, mais à chacun des apprentis. « Je n'ai aucun commentaire à émettre sur l'affaire que vous avez tous à l'esprit. Ne prêtez pas attention à la rumeur qui circule. Le journal officiel vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir demain. Rappelez-vous que ce doit être pour vous, avant-coureur, la seule source où puiser vos informations. À présent que chacun d'entre vous examine l'échantillon devant lui en appliquant la procédure réglementaire, » ajouta-t-elle d'un ton sans réplique. Vous devez avoir identifié l'objet auquel il a appartenu et rédigé un rapport complet d'ici à la fin du cours. Apprenti Eulalie, vous ne toucherez à rien aujourd'hui, observez simplement vos camarades pour voir comment ils s'y prennent. Si Lady Septima avait voulu obtenir d'Ophélie la plus extrême concentration, ce fut un échec complet. Tandis que tous les apprentis manipulaient religieusement leurs échantillons avec les instruments du laboratoire, elle n'eut pas du tout la tête à les regarder faire. Elle ne pensait plus qu'à cette rumeur. Que s'était-il passé au mémorial à la fin? Y avait-il une possibilité, même infime, que cela eût un rapport avec Thorne? Avait-il des ennuis pendant qu'elle restait là, les bras ballants? Ophélie sortit de ses pensées en sentant sur elle la brûlure d'un regard. Elle crut d'abord que c'était Médiana qui la dévisageait encore avec effronterie, mais la devineresse était très appliquée sur son travail. Non, il s'agissait cette fois d'un autre apprenti, celui que Lady Septima avait silencieusement désigné pendant son discours. Installé à l'autre versant de l'établi, il avait déjà fini de taper à la machine son rapport d'expertise. Il fixait ses yeux de visionnaire sur elle, lui faisant l'effet d'être prise dans le faisceau de 2 lampes à incandescence, comme si elle était un nouvel échantillon à expertiser. Une chaîne dorée reliait son arcade sourcilière à sa narine. Ophélie n'avait pas encore appris toutes les subtilités du code vestimentaire de Babel, mais Ambroise lui avait parlé de cette sorte de bijou. Ce jeune homme appartenait à une famille très bien placée dans le lignage de Pollux. Aucun doute n'était plus permis, il s'agissait du propre fils de Lady Septima. Ophélie répondit à son regard avec la même curiosité. Se rapprocher de lui aurait été une bonne stratégie pour ses plans, mais à peine cette pensée l'effleura-t-elle qu'elle y renonça. Cette fixité implacable avec laquelle le jeune homme la dévisageait, ce n'était pas seulement une marque d'intérêt, c'était de la défiance. « Rangez vos instruments, laissez les échantillons sur l'établi et remettez-moi vos rapports avant de partir. » déclara Lady Septima à la fin du cours. « Les fils de Pollux, vous vous rendez au gymnase pour votre entraînement sensoriel. Les filles d'Hélène, vous retournez sur votre arche et vous vous tenez discret. Plus de rumeurs pour aujourd'hui, compris. Restez avec moi, apprenti Eulalie, ajouta-t-elle en retenant Ophélie par l'épaule. Je voudrais m'entretenir d'une ou deux choses avec vous. » Une fois son laboratoire évacué, Lady Septima referma la porte et se tourna vers elle avec une rigidité toute minéralogique. « Apprenti Eulalie, vous ennuyez-vous parmi nous ?» Ophélie se tendit. Cette femme la mettait mal à l'aise. Elle était pourtant très calme et presque aussi petite qu'elle. « Je ne comprends pas. » Lady Septima la regarda. Non, regarder était un verbe inapproprié pour de tels yeux. Elle la disséqua. Elle s'engouffra à travers le verre branlant de ses lunettes, calcula le degré de dilatation de sa pupille, pénétra à l'intérieur de ses veines, mesura le rythme de son débit sanguin, plongea dans la chimie intime de ses organes, examina une par une chaque molécule de son corps. « Vous êtes restée oisive pendant toute la durée de mon cours. »« Parce que vous m'avez demandé de ne toucher à rien ?» Ophélie sentit la moiteur envahir ses gants. Elle venait tout juste de remarquer, à présent qu'elles se tenaient proches l'une de l'autre, l'emblème que Lady Septima portait en guise de fibule pour sa cape. Un soleil, avec le mot « luxe » gravé à l'intérieur. Cette femme, de qui dépendrait désormais Ophélie, était une sentinelle de Dieu. Lady Septima enfila un gant aussi doré que son uniforme. Elle s'empara délicatement, entre le pouce et l'index, du minuscule échantillon qui était resté à la place d'Ophélie sur l'établi. Ses yeux rouges le scrutèrent dans la lumière. « Voyons, ce métal est composé de plus de 3/4 d'étain, d'un peu moins d'un quart de plomb et d'une infime proportion de cuivre, » commenta-t-elle dans un léger murmure. « Cet alliage a été fondu il y a... « Well, 3 siècles, peut-être même 4. Une variante de bronze, mais avec un dosage tout à fait particulier, celui qu'on réserve à la fabrication des tuyaux d'orgue. » Ophélie éprouva bien malgré elle une admiration comme elle en avait rarement ressentie. Les fils et les filles de Pollux étaient réputés pour leur sens surdéveloppé, mais Lady Septima aurait fait pâlir le meilleur microscope d'Anima. Voilà donc de quoi étaient réellement capables les visionnaires. Pourquoi, à votre avis, ai-je laissé ceci à votre portée ? Demanda le professeur en reposant le fragment sur son support de velours. C'était un test, réalisa Ophélie. Et elle avait échoué. Vous auriez pu essayer de m'impressionner et me montrer de quoi sont capables vos mains de liseuse, insista Lady Septima d'un ton mesuré. Vous n'en avez rien fait. Ou bien vous manquez d'audace, ou bien vous manquez de curiosité. Quelle est, à votre avis, la principale qualité d'un avant-coureur? Ophélie faillit lui rétorquer qu'elle ne pensait manquer ni d'audace, ni de curiosité à sa manière. Mais elle s'en abstint à la dernière seconde. « Devenez avant-coureur au service de la cité », clamait la fiche de recrutement. C'était maintenant que se jouait le véritable test. L'obéissance. Lady Septima se fendit d'un très bref sourire et acquiesça. Comment une femme dotée d'un tel feu dans les yeux pouvait-elle donner aussi froid dans le dos? C'est la bonne réponse, en effet. Mais j'aimerais m'assurer de sa sincérité. « Prenez place là-dessus, » demanda-t-elle en tirant un tabouret devant le vitrail. Comme Ophélie s'y asseyait, Lady Septima fit un signe de dénégation. « Pas ainsi, apprenti, debout !» Avec des mouvements pleins de raideur, Ophélie se hissa maladroitement sur le tabouret. « Parfait !» dit Lady Septima d'un ton appréciateur. « Vous resterez ainsi jusqu'à ce que vous receviez l'autorisation de partir. » « Et mon apprentissage ?»« Pendant votre période de probation, chacune de vos journées se décomposera en quatre périodes. La théorie, la pratique, l'entraînement et les corvées. La théorie et la pratique sont terminées pour aujourd'hui. Considérez donc ce petit exercice comme un entraînement. » Sur ces mots, Lady Septima tira les cordons des ventilateurs pour les arrêter et referma la porte derrière elle. Ophélie se retrouva seule au milieu des éprouvettes et des balances dans la lumière éblouissante de la rosace. Sans ventilateur, le laboratoire se changeait peu à peu en fournaise. Pour avoir déjà joué les domestiques, Ophélie savait qu'il était difficile de rester immobile pendant longtemps, mais c'était la première fois qu'elle en faisait l'expérience sur un tabouret. Il lui était impossible de se dégourdir les jambes, impossible de changer de position, impossible de basculer le poids du corps d'un côté plutôt que de l'autre. Tous ses muscles s'évertuaient à la maintenir en équilibre, mais ils étaient endoloris à cause de la nuit sans matelas et de la chute d'escalier. L'engourdissement se propagea comme une lente pétrification de ses mollets jusqu'à ses hanches, du bas de son dos jusqu'à ses épaules. Ophélie se concentra sur les couleurs du vitrail qui glissaient sur les bois précieux du laboratoire au fur et à mesure que le soleil se déplaçait dans le ciel. La sueur ruisselait sous son pantalon et elle éprouvait le besoin de plus en plus impérieux d'aller aux toilettes. Elle tomba à la renverse sur le parquet. Le tabouret, gagné par l'exaspération de son animisme, s'était brusquement lancé dans un numéro de claquettes. Alors qu'Ophélie cherchait le verre de ses lunettes, qui avait lâchement profité de l'occasion pour reprendre la fuite, la colère explosa dans son ventre. Une mioche! Même loin de chez elle, même après toutes ces années, on la traitait encore et toujours comme une mioche. Elle regarda le tabouret galoper à travers le laboratoire, repensant soudain au périscope dans l'amphithéâtre, aux mots qu'il était interdit de prononcer, à cette mémoire collective verrouillée à double tour dans le secrétarium. Ce n'était pas elle, la mioche, c'était l'humanité entière. Ils étaient tous, absolument tous, maintenus dans un état d'infantilité par Dieu et ses tuteurs. J'ai été le valet de Bérénilde, le jouet de Farouk et la proie du baron Melchior, se répéta-t-elle après avoir immobilisé le tabouret et s'y être remise debout. Je ne donnerai aucun prétexte à Lady Septima pour m'éloigner de mon objectif. Le soleil était en train de décliner dans le laboratoire lorsque la porte se rouvrit enfin. Ophélie battit des paupières pour faire tomber les gouttes de sueur qui emperlaient ses cils. Élisabeth se tenait juste devant elle, inexpressive sous la constellation de ses taches de rousseur. « Alors, cette première journée, toujours décidée à rester parmi nous, apprentie Eulalie ?»« Toujours. » La voix d'Ophélie était desséchée par la soif. « En tant que responsable de la deuxième division de la Compagnie des avant-coureurs, je te libère de ce tabouret. » La formule était tellement sentencieuse qu'Ophélie crut qu'elle se moquait d'elle. Aussi fut-elle étonnée de la voir lui tendre une main pour l'aider à descendre, puis lui offrir un siphon d'eau apporté spécialement à son intention. « Ça, c'était la bonne nouvelle, » dit Élisabeth en la regardant boire et tousser en même temps. « La mauvaise nouvelle, c'est que tu as reçu un blâme pour avoir égaré un matelas et un uniforme. Tu auras deux fois plus de corvées que les autres pour rembourser ta dette. » « On les a égarés pour moi. » Élisabeth se contenta de cligner lentement des yeux. « C'est la tradition. Tu vas devoir être plus vigilante. Au fait, j'ai un télégramme pour toi. » Ophélie eut un soubresaut dans la poitrine. Elle déplia impatiemment le petit papier bleu qu'Élisabeth venait de lui transmettre. « Félicitations, Ambroise. » Elle retourna le télégramme. C'était tout. Le volubile, l'intarissable Ambroise n'avait aucun message à lui transmettre. Ophélie sentit quelque chose se tordre en elle. Venait-elle de perdre le seul ami qu'elle s'était fait à Babel ? « On dirait que j'enchaîne les bourdes. » La La confidence s'était échappée presque malgré elle, alors qu'elle rangeait le tabouret à sa place. Elle craignit un instant de s'attirer tout un tas de questions indiscrètes, mais Élisabeth n'en posa aucune. Elle avait déjà ressorti son calepin pour le barbouiller de code. La seule véritable erreur est celle qu'on ne corrige pas. Ophélie considéra longuement la figure cireuse d'Élisabeth, concentrée sur son calepin. C'était une personnalité difficile à cerner, mais ce qu'elle venait de lui dire était ce qu'elle avait entendu de plus réconfortant de toute la journée. « Élisabeth ? Que s'est-il passé au mémorial aujourd'hui ?»« Oh, ça !» fit Élisabeth en raturant un nouveau bloc de code. « Miss Silence est décédée. » Les sourcils d'Ophélie bondirent. « Miss Silence ? » Ce nom lui disait quelque chose. N'était-ce pas celui de la mémorialiste aux oreilles délicates ? Cette femme tyrannique qui voulait fouiller son sac ? On a retrouvé son cadavre ce matin au mémorial, poursuivit Élisabeth. Quand je suis arrivée sur place, comme tous les matins, pour travailler sur ma base de données, on m'a aussitôt demandé de rentrer au conservatoire. Ils m'ont dit que c'était un malheureux accident, que cette pauvre Miss Silence était tombée d'une échelle de bibliothèque. Tombée d'une échelle ? Répéta Ophélie, qui s'était attendue à quelque chose d'un peu plus scandaleux. Ce n'est vraiment pas de chance. Élisabeth acquiesça d'un air distrait en mordillant le bout de son crayon. « Oui, c'est ce que Miss Silence a dû penser juste avant de mourir. J'ai à peine eu le temps de voir son corps, son visage surtout. Je ne pensais pas qu'une chute pouvait vous laisser une expression pareille. »« Quelle expression ?» murmura Ophélie. Élisabeth souleva ses paupières en abat-jour, dévoilant un regard aussi indéchiffrable que les codes de son calepin. Une expression de terreur absolue. Jusqu'à cet instant, Ophélie s'était persuadée que rien de ce qu'elle vivrait ici ne lui rappellerait le pôle. Il lui apparaissait à présent clairement qu'elle avait sous-estimé Babel.